Ton silence de granit est une veine qui ramène mes sentiments à leur germe, à la terre mère où j'offre des perles, des rubis, de l'onyx et des diamants. Aux essaims d'affection brisée, pierres transformées en opales irisées, que l'alchimie d'hier me livre, constellation de mes baisers morts. Ces diamants que moi seul connais.